Je suis de retour pour la chaussette parlante et moi je fais le patron, c'est ça? Attends, faut que je cherche hein, parce que hein? Patron. Alors. Mort. Mort. Mort. Tu. Je fais comme ça et puis tu me diras s'il faut que je change vraiment. D'accord? Tu. Tu tu tu. Tu qui? Maurice, tu as dépassé les bornes, les limites. Maurice, tu as dépassé les bornes, les limites. Pourquoi les deux? Je vais essayer aussi avec eux. Maurice, tu as dépassé les bornes. Maurice, tu as dépassé les limites. Ah, mais c'est des limites. Je me demandais si c'était ça. Maurice, tu as débar... Maurice, tu as dépassé... Tu as débarrassé la table. Tu as débarrassé la table. Maurice, tu as dépassé les bornes des limites. Maurice, tu as dépassé les bornes des limites. Maurice 31. Maurice, tu as osé défier la puissance des dieux et tu dois être puni. Tu erreras désormais jusqu'au royaume d'Hadès. Ton corps restera inerte. Peut-être. Où ton corps? Ah non, ensuite, et jusqu'au... Mais je sais pas lire. Maurice 31. Maurice, tu as osé défier la puissance des dieux et tu dois être puni. Tu erreras désormais et jusqu'au royaume d'Hadès, ton corps restera inerte. Tu as osé défier la puissance des dieux et tu dois être puni. Tu erreras désormais et jusqu'au royaume d'Hadès, ton corps restera inerte. Je vais le faire avec une voix aiguë maintenant. Maurice, tu as défié. Tu as osé défier la puissance des dieux et tu dois être puni. Dramatique parce que là tu me fais on dirait le maire en fait. Maurice, tu ne m'as pas apporté mon café. Maurice, tu ne m'as pas apporté mon café. Tu vois, essayer de descendre vers plus tes mots. Maurice, tu as osé défier la puissance des dieux et tu dois être puni. Tu erreras désormais et jusqu'au royaume d'Hadès, ton corps restera inerte. Non, c'est de la merde. Bon, bah voilà, c'est de la merde. Je te fais des bisous. Tu me dis s'il faut que je refais. Oui, que je refais.